Alors, je vous présente Marie Desson, qui est psychanalyste, psychologue clinicienne, maître de conférences en psychologie clinique à l'Université Paul Valéry de Montpellier et membre du laboratoire Epsilon. Marie Desson, vos travaux portent sur les pathologies psychiques de l'enfant et notamment sur la psychose infantile, mais également sur l'adolescence. Vous avez récemment contribué, entre autres, à un ouvrage collectif dirigé par Jacques André, intitulé « Cicatrices de la psychose » paru aux presses universitaires de France en 2007. Mais surtout, vous êtes l'auteur d'un manuel de psychopathologie de l'enfant, dont la troisième édition va paraître cette année. Ce mois-ci. Et voilà. Ce livre permet de comprendre les maladies psychiques enfantines à l'aide de la théorie psychanalytique du développement de l'enfant. C'est un livre clair, éclairant, que je conseille à tous ceux qui veulent s'initier à une vision du développement de l'enfant qui, disons-le, dépasse celle qui ne s'intéresse simplement qu'aux aspects cognitifs de ce développement. Et donc c'est à une introduction de ce type, évidemment plus synthétique, que vous allez vous livrer aujourd'hui, si vous le voulez bien, en montrant que le développement psychique du petit enfant ne peut se concevoir qu'au prisme des relations sociales qu'il entretient avec son entourage, que cette maturation biologique de l'enfant s'appuie sur ce que vous appelez, après Freud, un travail de culture. Allez-y, Freud. Merci beaucoup pour votre présentation, pour votre présentation générale du séminaire. Je suis très contente d'être ici parmi vous et je vous remercie beaucoup, Paul Luciani, de m'avoir invité, de m'avoir proposé de participer à vos débats. J'en suis particulièrement heureuse parce que je viens d'une tradition d'échange avec des collègues anthropologues, sociologues, historiens, philosophes, puisque je me suis formée à Paris 7 sous la direction de Pierre Fédida, qui avait à l'époque créé le Centre d'études du vivant, qui a toujours eu à cœur d'organiser des journées avec un dialogue, en tout cas, entre des psychanalystes et des anthropologues, des sociologues, etc. Et dans cette tradition, qui était celle de Pierre Fédida, et puis bien auparavant de Jean Laplanche, etc., eh bien, nous continuons à organiser tous les ans une à deux journées, parisiennes souvent, de psychanalyse, de psychanalystes, mais au cours desquelles on invite systématiquement un ou deux anthropologues et sociologues pour débattre avec nous. Donc c'est forte de cette expérience d'échange que je viens tout à fait amie parmi vous et ravie de discuter avec vous de ce thème de recherche. Après, je voulais dire un tout petit mot que je souscrivais à votre communiqué introductif concernant la recherche. Comment ne rien en dire, hein, je suis universitaire, chercheur, vraiment dans ces difficultés également. Pas plus tard qu'hier, nous avons eu une évaluation de l'HCERS de notre labo de recherche, dont nous avons passé toute la journée face à un comité d'expertise. Vous m'entendez pas très bien, ça va, c'est mieux là. Donc, nous avons passé la journée d'hier face à un comité d'experts non inscrits dans notre approche, où il n'y avait pas un seul psychanalyste, mais essentiellement des cognitivistes d'orientation comportementaliste, avec évidemment des critères d'évaluation qui ne sont pas du tout les nôtres, qui sont quantitativistes et qui se réfèrent à aussi eh bien, des revues scientifiques qui ne sont pas celles dans lesquelles nous publions, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la question, dans le débat là, mais en tout cas, nous sommes éminemment concernés par ça. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler... Enfin, j'étais très contente que vous fassiez cette présentation sur le tableau de Bruegel, que j'aime beaucoup. Et puis, vous avez évoqué avec l'article de Marie Segarra, eh bien, le lien, l'association qui peut être faite, qui a pu être faite entre les enfants et les fous. Et effectivement, moi, je m'occupe en tout cas, je travaille auprès des enfants fous, des enfants qu'on appelle fous, c'est-à-dire qui souffrent de psychose infantile précoce, d'autisme, etc. Et donc, cette question m'intéresse tout particulièrement. Je dois dire également que je travaille vraiment dans le champ de la petite enfance, donc auprès des bébés aussi, dans la clinique de la périnatalité. Et donc c'est aussi depuis cette clinique-là que je vous parlerai aujourd'hui. Alors, mais d'où viennent les enfants? Des choux, des roses, de Paris peut-être, comme on dit en Espagne, ou d'une énigmatique opération botanique, ou pourquoi pas, dans ce cas, de la pierre et du vent, des astres ou de poussière d'étoiles assurément, de la terre-mère sans aucun doute. Non, sérieusement, les enfants viennent-ils des morts? Les enfants sont des revenants, dit Freud, à propos de leur nom et de la transmission inconsciente qu'ils condensent. Je ne suis pas celui qui t'engendre, écrit le poète Jorge Luis Borges. Ce sont les morts, ce sont mon père, son père et ses aïeux, ceux qui, depuis Adam et les déserts d'Abel et de Caïn, tracèrent un long dédale d'amour dans une aurore si ancienne qu'elle est déjà de la mythologie. Ils arrivent, sang et moelle, à ce jour de l'avenir auquel je t'engendre à l'instant, écrit le poète. L'enfant né, et entre transmission inconsciente et répétition, se réincarnent les ancêtres. La mère qui porte son bébé dans ses bras porte en réalité trois enfants. Le bébé réel, le bébé imaginaire et le bébé fantasmatique. C'est ce dernier qui est concerné par ce mandat transgénérationnel et cette répétition inconsciente. Ainsi, dans le nouveau-né s'incarnent les fantômes des morts sans sépulture, des deuils non faits. L'enfant imaginaire relève du conscient, c'est celui qui naît avec le désir de grossesse de la mère. Attendu, l'enfant est imaginé par sa mère, de son sexe à la couleur de ses yeux, à son futur caractère, etc. L'enfant fantasmatique, lui, est celui du désir de maternité et du désir d'enfant. Il remonte au conflit infantile devenu inconscient, l'enfant oedipien, réparateur, phallique, etc. et concerne des fantasmes en lien avec la génération antérieure, celle des grands-parents. L'enfant est chargé d'un mandat familial qu'il doit réaliser, mais dont il ne sait rien. C'est ce que Abraham et Torok appellent le travail du fantôme, relancé par chaque naissance. Le fantôme, disent-ils, est le travail dans l'inconscient d'un secret inavouable d'un autre. Impossible à introjecter ni à expulser, il crée une crypte au sein du moi et crée des phénomènes d'identification endocryptique où le sujet s'identifie à un objet incorporé dont le deuil est impossible. Il arrive souvent que le bébé réel, par les difficultés qu'il présente, souvent dans le lien, des troubles des interactions précoces, donne corps et voix au bébé fantasmatique. L'ouvrage de Selma Freiberg, « Fantôme dans la chambre d'enfant », en donne des exemples cliniques éloquents. Tel cet enfant de 4 mois et demi qui renvoie à sa mère adolescente l'enfant abandonné qu'elle a été elle-même bébé. Cette mère, qui a vécu un abandon dans la petite enfance, a psychologiquement abandonné son bébé, devenu le représentant de son moi enfant, oublié, enterré. Ainsi, l'enfant abandonné, depuis longtemps enfoui dans le souvenir, reprend vie, renaît, reçoit un autre nom. Et le bébé qui autrefois avait été abandonné est maintenant celui qui abandonne et qui regarde impuissant le désastre de la répétition dans un renversement bien connu fait d'une identification de survie à l'agresseur. Ce que l'enfant réel peut venir aussi incarner, c'est la douleur inconsolable d'un deuil non fait par les parents et resté en souffrance, d'une personne bien aimée ou d'un bébé mort. Est-il vraiment possible de faire le deuil d'un bébé mort? Car lorsque le bébé n'est jamais né, c'est pour les parents un bébé perdu avant d'avoir pu être rencontré. Le deuil inachevé ou impossible d'une personne ou d'un bébé mort pendant la période qui a précédé la naissance de ce nouveau bébé peut profondément affecter l'investissement parental et leur capacité d'attachement à leur enfant. Tel cet autre bébé qui, à l'âge de 4 mois, se détourne de ses parents, ne semble pas les aimer et est un bébé absolument inconsolable qui pleure des heures durant. La thérapie permettra de retrouver la douleur inconsolable des parents, d'avoir perdu un fils premier-né qui était mort de mort subite du nourrisson, quelques années auparavant. Les parents s'étaient littéralement coupés de cette douleur, clivés, amputés de ce deuil impossible. Les pleurs inconsolables de leur bébé, représentés et incarnés, représenter et incarner leur propre douleur encryptée qui ne pouvait ni s'exprimer ni être surmontée. Ce conflit non dépassé qui appartient à une autre époque et à un autre bébé, s'est reconstitué autour du nouveau bébé et a mis en danger l'attachement entre le nourrisson et ses parents. En empruntant les voies affectives qui ramènent au premier bébé, le thérapeute aidera les parents et donc le bébé à découvrir de nouvelles solutions. Cette fillette, qui pleurait sans cesse, faisait fonction de Llorona sans le savoir, quelqu'un qui pleure le deuil pour quelqu'un d'autre. Las Lloronas sont ces pleureuses qui participent au rituel de l'enterrement, dans une dimension sociale, prenant ainsi socialement en charge la douleur d'un deuil rituellement partagé avec la communauté. L'origine de la Llorona remonte à l'Antiquité égyptienne, où il était tabou pour les endeuillés de pleurer en public. Son but, dans les rituels funéraires, est encore, dans certains pays, d'induire par contagion et imitation les pleurs chez les endeuillés, afin de provoquer une catharsis de la douleur de la perte, mais également de marquer et montrer publiquement l'importance sociale du défunt. Des croyances ont pu être associées à ces pleurs, censées aider à laver l'âme du défunt. Différentes cultures continuent à pratiquer cette cérémonie des pleurs, au Mexique notamment. Ce rituel est même devenu un spectacle, et chaque année est organisé un concours de Lloronas lors du festival del Día del Muerto, où les pleureuses réalisent une performance et sont jugées sur leur qualité théâtrale. En Corse, on retrouve le vocero, un chant funèbre exécuté par une pleureuse pour un défunt, mais teinté d'appel à la vengeance, il me semble. Ce qui m'intéresse dans cette figure de la Llorona, c'est l'origine du mythe chez les peuples préhispaniques que l'on retrouve dans de nombreuses cultures précolombiennes, aztèques, incas, mayas. Ainsi, dans la mythologie mexicaine, la Llorona est un fantôme qui se présente comme l'âme d'une femme ayant perdu ou tué ses enfants, les cherchant dans la nuit près d'un fleuve ou d'une rivière, effrayant ceux qui entendent ses cris de douleur déchirants. La quête errante de cette femme dit le deuil impossible de l'enfant mort, et le fantôme en traduit la destinée, mi-vivante, mi-morte pour la mère, ni mort, ni vif pour l'enfant, un statut de mort-vivant donc. Comme celui des Angelitos, que l'on attend et célèbre lors de la fête des morts au Mexique, que sont les âmes errantes des enfants morts avant le baptême, les enfants des limbes, dit Pontalis. La Llorona est aussi, dans certaines versions du mythe, la maîtresse d'esprits hurlant et gémissant la nuit, et qui sont les esprits de femmes mortes en couche. Encore la naissance et la mort associées. Je renvoie au passage au très bel album de la chanteuse américano-mexicaine Lassa de Cela, morte à 37 ans d'un cancer du sein. Sa belle voix profonde et rauque est comme une longue plainte pour les morts. Son album s'appelle La Llorona. Parfois, pour ne pas risquer de réveiller le mort encrypté, il arrive qu'un bébé fasse le mort. Son inertie frise la mort. L'hypotonie et l'hypothermie atteignent des seuils critiques pour sa survie. Mais parfois, la naissance qui suit la mort d'un bébé n'est pas toujours de l'ordre de l'enfant de remplacement dont on a beaucoup dit qu'il était pathologique et mortifère. Or, en délogeant l'enfant mort encrypté dans la mère, cette nouvelle naissance peut relancer le processus de deuil entravé ou gelé et permettre alors de faire œuvre de sépulture. Autrement, que par une incorporation pathologique d'un enfant embaumé, maintenu mort-vivant dans le corps d'une mère cryptophore. Ce passage par la mort pour parler de la vie me paraît indispensable et profondément révélateur du processus d'humanisation. Je commence donc logiquement, à mes yeux, par la question de la mort en héritage, des ancêtres, du travail du fantôme et de la dette de vie. Ce qui pourrait paraître un détour par des cas de deuil pathologique me sert à rappeler combien et comment le fantôme s'incarne dans l'enfant à naître. Certes, ici, particulièrement lors de deuils non faits, impossibles. Mais d'une manière plus générale, qui caractérise profondément l'humain, les ancêtres s'incarnent dans l'enfant nouveau-né, chaque naissance relançant le grand cycle de la vie et de la mort. La dette de vie est sans cesse remise en jeu de génération en génération. Pour Monique Bidlowski, qui a écrit sur la dette de vie, lorsque la mère est enceinte, elle contracte une dette symbolique envers sa propre mère, car elle la déloge de sa place de mère en faisant d'elle une grand-mère. Ce phénomène peut produire un télescopage des générations, qui se traduit par une forme de perméabilité, où le contenu psychique d'un ascendant crée une inclusion dans le psychisme du descendant, formant ainsi des captures identificatoires transgénérationnelles qui conduiraient l'enfant à assumer une histoire qui n'est pas la sienne. Selon Moni Bidlowski, la mère peut tenter de régler sa dette lorsqu'après l'enfantement, elle donne littéralement son premier enfant à élever plus ou moins longtemps à sa mère. On peut dire que toute naissance vient symboliquement à la place de l'objet perdu, dont le deuil ne peut jamais être dépassé. Le mandat transgénérationnel place chaque nouvel enfant sur un génogramme qui va inscrire son affiliation. Et toute filiation se fait sur les failles de la filiation, c'est-à-dire précisément à partir de ce qui n'a pu être intégré, transformé et symbolisé. Il s'agit donc surtout d'une filiation du négatif, c'est-à-dire de ce qui n'a pas été inscrit, de ce qui a eu lieu sans avoir de lieu, pour reprendre l'expression de Pontalis, de ce qui a été nié, dénié, refoulé ou clivé. Pour Albert Sicone, dans la transmission psychique inconsciente, les objets bruts constituant du négatif sont en souffrance de symbolisation, dans l'attente de celle-ci. Je le cite, « Les éléments négatifs représentent des objets incorporés, aliénants et transmis par un processus qui les constitue en objets incorporés, aliénés et aliénants. Aliénés, c'est-à-dire sans lien. Une transmission qui condamnerait l'enfant à une infinie répétition des conflits parentaux lorsque le processus de filiation est trop lié au fantôme qui rôde dans la chambre. Nous sommes là confrontés aux pathologies de la transmission. Ces éléments transmis non symbolisés deviennent des traces sans mémoire ou des débris transgénérationnels qui se déplacent et se répètent de génération en génération. Selon Nicolas Abraham et Maria Torok, dans leur livre « L'écorce et le noyau », un dire enterré du parent devient chez l'enfant un mort sans sépulture. La manifestation du fantôme est la hantise, c'est-à-dire l'invasion d'un drame non su en celui qui le subit. L'affect qui y est associé est celui de l'inquiétante étrangeté. Pour une mère cryptophore, porteuse de génération en génération des fantômes psychiques, la naissance de son enfant réveillerait les héritages traumatiques encryptés. Mais dans cette perspective, on peut aussi percevoir le travail psychique exigé par chaque naissance comme une chance, la possibilité d'une relance de ce qui est resté en souffrance de traduction. La perte ou la négligence du culte des ancêtres, du travail des morts, a sans doute contribué à l'errance de tels fantômes. Nous ne prenons plus soin de nos morts. Nous ne savons plus comment faire société avec les morts, pour reprendre le titre de l'article des anthropologues Catherine Legrand-Sébille et Françoise Onaben, auquel je me réfère ici. C'est pourtant tout l'enjeu des rites et célébrations mortuaires à Madagascar ou au Mexique encore, par exemple. Lors du culte du retournement des morts à Madagascar, ce sont les enfants des ancêtres qui enveloppent chaque corps dans un suaire neuf après qu'il ait été extrait de sa première sépulture. Les enfants, encore, jouent spontanément dans leur quotidien à représenter les secondes funérailles, en jouant par exemple à porter des sauterelles enroulées dans des feuilles de bananier comme s'il s'agissait du corps des ancêtres. Ainsi, les ancêtres sont présents dans l'imaginaire symbolique des vivants et des enfants. Et ce dialogue entre les vivants et les morts n'a aucune connotation pathologique. Plutôt que de hanter les cases et le sommeil des enfants, les morts veillent sur la fécondité des générations restantes. Et pour s'assurer une descendance nombreuse, on place volontiers les nattes qui ont servi à transporter les morts sous le matelas où l'on a des rapports sexuels. Accueillir les morts, je cite les auteurs, s'en souvenir, les abriter, j'ajouterai aussi les nourrir et les soigner, c'est s'assurer la transmission d'une histoire, d'une mémoire, d'une affiliation. C'est en quelque sorte rendre le mort vivable, maintenir les morts en vie et faire que la vie puisse continuer dans leurs souvenirs gardés. Au Mexique, j'y reviens, la fête des morts est vraiment représentative de cette manière de faire société avec les morts. On dédie aux morts des autels couverts d'offrandes, de fleurs, de nourriture. C'est une fête joyeuse. On ingère symboliquement les morts en mangeant des pains et des pâtisseries les représentant, comme les traditionnelles têtes de mort en sucre. Le 31 octobre commence l'éparpillement des fleurs et la préparation de plats cuisinés pour la fête des petits, Los Angelitos, des morts enfants censés s'approcher des vivants pendant la nuit. Les morts-nés, comme les femmes mortes en couche, sont considérés comme des mauvais morts, qui tentent de revenir vers les vivants pour leur manifester leur souffrance d'âme errante. C'est pour les apaiser qu'on leur dédie cette fête, première cérémonie du rituel avant celle des morts adultes le 1er novembre. Ces figures des âmes errantes des Angelitos représentent ce deuil impossible de l'enfant mort et rappellent ces fantômes qui hantent les vivants. Les fleurs éparpillées et les bougies doivent permettre justement à l'âme des défunts revenus sur terre de retrouver leur tombe afin de ne pas errer entre deux mondes. Ainsi, je les cite encore, les relations entre vivants et morts consistent par toute une suite de dons et de contre-dons, de services rendus réciproquement, de passages incessants entre un monde et l'autre, à s'inscrire chacun dans sa communauté d'appartenance afin de faire des uns des ancêtres, des autres des humains. Pour Jacqueline Rabin, dans L'enfant du lignage, les représentations concernant les rapports de l'enfant et de l'ancêtre constituent une mise en forme de l'insertion sociale de l'enfant. Par une inscription généalogique, il devra passer de l'état d'étranger à celui d'être social. L'aïeul, mort récemment, revient dans son petit-fils. Ce retour assure la pérennité du lignage. L'enfant homologué à l'ancêtre ou à l'esprit ancestral renvoie ses propres géniteurs au désir des ascendants morts et vient au monde sous le signe d'une dette, encore. Ainsi, aux premiers âges de la vie, la présence requise et désirée des enfants dans les événements de la vie sociale s'articule-t-elle à la présence discrète et insistante des morts dans la trame quotidienne, tout autant qu'au lieu de culte. Je citais Jacqueline Rabin. Selon l'auteur, le sevrage de l'enfant est comparable à l'initiation en tant que pratique sociale et il a partie liée avec deux faits institutionnels majeurs, les classes d'âge et le culte des ancêtres. Edmond Ortigues, dont je mets une citation en exergue, écrit dans sa préface à l'ouvrage de Jacqueline Rabin qu'à chaque génération, le lignage revit l'éternel retour de ses morts dans ses vivants. C'est sans doute à cela que se réfère Freud lorsqu'il questionne « Les enfants ne représentent-ils pas pour nous le seul accès à l'immortalité ?» Un bébé tout seul, ça n'existe pas. Cette célèbre phrase de Winnicott, qui signifie qu'un enfant sans sa mère, ou l'équivalent, ça n'existe pas, tant l'environnement est vital pour sa survie et sa construction psychique, peut sans doute se décliner également au vu de ce que je viens de développer, en disant qu'un bébé tout seul, ça n'existe pas sans les morts qui l'ont précédé et qui l'inscrivent dans la généalogie. À la naissance, l'enfant humain prématuré est dans un état de dépendance absolue. Il ne peut se venir en aide lui-même. Il est plongé dans un état de détresse originaire, soumis à des angoisses archaïques qui sont de véritables agonies primitives. Si la naissance biologique est un événement, un fait, une césure, la naissance à la vie psychique est un long processus de subjectivation. Le bébé naît dépendant de son environnement et paradoxalement, on peut dire que c'est ce qui va le forcer à développer des ressources internes, c'est-à-dire du psychisme, faisant de lui un acteur de la relation d'objet qui n'a en fait rien de passif. Les racines de l'intersubjectivité sont donc très précoces. Margaret Mahler parlait du processus d'éclosion psychique qui témoigne de la poursuite de la gestation anatomique par une période de gestation psychique, au cours de laquelle l'enfant est étroitement contenu dans le psychisme de la mère. Si on a pu penser que le bébé naissait dans un état de fusion totale, formant une dyade indifférenciée avec sa mère, purement anobjectale, de nombreux psychanalystes travaillant avec des enfants se sont rendus à l'évidence qu'il y avait de l'autre d'emblée. Le narcissisme primaire absolu et anobjectal existe bel et bien, mais dans le fantasme, notamment lors de la régression abyssale dans le sommeil, mais aussi comme tentative délirante dans le retrait autistique par exemple, pour dénier toute réalité extérieure et tout objet différencié de soi, c'est-à-dire qui contient un intérieur propre. Réduire celui-ci, l'objet, l'autre, à une surface plane sensorielle revient à le désubjectiver complètement. Il n'y a pas ou plus d'objet autre sujet. L'ontogénèse de la psyché repose sur une double différenciation, intrapsychique et extrapsychique. Intrapsychique d'une part, qui permet la spécification progressive des fonctions psychiques, comme l'instauration des instances intrapsychiques, le moi, le ça, le surmoi. Et extrapsychique d'autre part, celle-ci correspond au mouvement qui permet au futur sujet de se dégager de la symbiose originelle et de prendre peu à peu conscience de la séparation existentielle. Soi et autrui ne sont pas confondus. Je souligne ici l'importance de la place et de la fonction de l'intersubjectivité dans la naissance et le développement de la vie psychique, en tant que lieu d'émergence de la subjectivité. Le bébé doit composer d'emblée avec le primat de l'autre, et il est un acteur de ces échanges. Freud disait que la plus ancienne psychologie humaine est la psychologie collective. Le premier socius, ce sont d'abord ces autres que sont les parents et la fratrie, groupe au sein duquel l'enfant apprend à se civiliser. Le travail de culture dont parlait Freud, sur lequel je reviendrai. Mais avant d'être ce groupe, familial puis social, à l'origine, il y a d'abord la dyade mère-bébé, dont dépend complètement la survie de l'enfant. Ce temps premier est aussi le temps du corps à corps, où la communication primitive entre la mère et le bébé se passerait quasiment du langage. Cependant, la mère ne cesse de traduire pour son bébé ce qu'il se passe en lui et dans son environnement, grâce à la très importante fonction alpha décrite par Bion, par Wilfried Bion, dépendante de sa propre capacité de rêverie à elle, c'est-à-dire celle qui la raccorde à son histoire et aux ancêtres notamment. Elle assure une indispensable fonction contenante, parexcitante et symbolisante pour le nourrisson, avant que celui-ci n'intériorise progressivement cette capacité pour lui-même. Le bébé a donc besoin d'une contenance primaire active de la part du psychisme de l'objet, afin de pouvoir transformer des données sensorielles brutes, chaotiques, que Bion qualifie d'éléments bêta, en éléments pensables et donc traitables psychiquement. La pensée se développe donc dans le lien à l'autre, dans le sens où le bébé pense d'abord avec l'appareil à penser d'un autre, avant d'intérioriser cette expérience et de construire le sien propre. La subjectivation de l'enfant passe par la nécessaire séparation d'avec sa mère. Une séparation des corps, certes, sinon le maintien de la symbiose originelle entravera sérieusement le développement psychomoteur de l'enfant. Mais surtout, un long processus de séparation-individuation qui passe par le langage. Sa faisabilité dépendra aussi de la qualité des liens premiers avec son environnement. L'accession à la dimension symbolique du langage est en effet différenciatrice. La nomination des choses permet le décollement de la chose et du mot. Et c'est dans cet écart que réside la dimension symbolique du langage. La symbiose, elle, se passe de mots. Les troubles du langage, particulièrement dans la psychose, montrent clairement cet échec de la subjectivation et le maintien d'une symbiose pathologique. Parfois, une sorte de dialecte mère-enfant se rencontre dans les psychoses symbiotiques, excluant tout tiers de cette relation exclusive, car seulement compréhensible par le couple mère-enfant. Luce et sa mère ne parlent pas. Elles se comprennent sensoriellement. Pas besoin de mots qui viendraient s'interposer entre elles, dans cet univers primitif fait d'odeurs et de sensations. Comme un pacte scellé entre elles deux, il ne peut y avoir de tiers symboligène qui remettrait en question leur entente symbiotique, basée et fondée sur un non-dit concernant l'origine même, le nom du père. Alors, la scolarisation obligatoire va venir mettre à mal ce pacte narcissique, car l'institutrice entend bien faire entrer le savoir dans la tête de Luce, véritable énigme pour elle, douée d'un formidable don d'ignorance. La lutte de Luce pour empêcher que les mots ne rentrent en elle en classe, par solidarité symbiotique avec sa mère, est poignante. D'ailleurs, elle s'en rendra malade. Pour lutter contre toute effraction de l'extérieur dans son moi, Luce s'agrippe de toutes ses forces aux sensations de surface, tout pour chasser l'activité de pensée. En classe, elle fait corps avec le mur, se niche là où le plâtre se délite, au coin de la grande carte de géographie, près du bureau. Entre les grains usés, presque une poussière, elle a sa place. Elle fait mur. Aucun savoir n'entrera. L'école ne l'aura pas. Il faut garder le vide. Pour y parvenir, elle devient chose, se perd dans la pure sensation, s'absorbe dans la matière sans penser. Elle pénètre toute seule dans le labyrinthe délabré de la croûte de pain. Elle marche sur une crête dorée, fissurée. La mine l'attend si elle tombe, cotonneuse, blanchâtre, prête à la faire disparaître dans chacune de ses alvéoles. Vous aurez peut-être reconnu en Luce et sa mère, la Varienne, les personnages du très beau roman de Jeanne Benhamer, Les Demeurés. L'entrée dans le langage, sa dimension symbolique, est donc un des fondamentaux du processus d'humanisation chez l'enfant. Je disais son importance différenciatrice. Le langage sépare car il nomme la chose et l'objet absent. L'acquisition du « je » sur le plan linguistique, « je », témoigne de ce sentiment d'exister en tant que personne singulière et différenciée. Pouvoir dire « je » signe le fait que l'individu se vit désormais comme séparé et distinct d'autrui, c'est-à-dire non inclus dans l'autre, non collé à lui. L'intersubjectivité conditionne donc l'avènement du langage. L'acquisition de la négation en est une autre étape essentielle, et il est intéressant de relever que la première acquisition abstraite de l'enfant lui permet de différencier son désir de celui de l'autre par l'affirmation négative « non ». C'est bien cette position subjective dans le langage que ne peut assumer celui qui n'est pas sujet de sa parole, l'enfant autiste, qui ne peut dire « je ». Mais il n'y a pas que ce marqueur symbolique du langage dans le processus de subjectivation. Un autre des fondamentaux est la fonction réflexive qui se déploie dans l'expérience spéculaire. Lacan a décrit le stade du miroir, où l'enfant s'identifie à une image de lui qui le représente tout entier, le symbolise, l'unifie et dans le même temps l'aliène à l'autre, à son regard. Ce faisant, il se voit comme le perçoit l'autre et se reconnaît subjectivement. Ce temps de reconnaissance par l'autre de l'image spéculaire de soi est primordial, car l'enfant s'identifie ainsi comme une unité corporelle le symbolisant et rassemblant les morceaux épars de l'image de soi. « C'est toi », dit d'ailleurs l'adulte à l'enfant, en lui confirmant ainsi que l'image qu'il perçoit dans le miroir est bien le reflet de lui-même. Alors, au fond, qu'il devrait dire « c'est ton reflet, c'est ton image ». Chez l'enfant humain, l'importance du regard est existentielle, disons vitale, car le regard de l'autre est fondateur de la constitution du sentiment d'être soi, c'est-à-dire de la subjectivité. Sans ce retour spéculaire, il n'y a pas d'appropriation subjective de soi-même, identifiée comme humain, dans l'ensemble de la communauté humaine. Cette image spéculaire est souvent distordue dans la psychose. Pas d'assomption subjectivante, mais à la place, un sentiment d'étrangeté profond, de déshumain, dirait Pierre Fédida, lorsque l'individu ne s'y reconnaît pas tout simplement, ou s'y perd dans l'énigme de la profondeur, ou bien n'y perçoit que la brisure ou l'éclat du moi. Dans la psychose, l'expérience spéculaire renvoie davantage les reflets du morcellement, plutôt qu'une unité identifiante, dans un terrifiant vécu de dissociation et de dépersonnalisation. René Roussillon voit la psychose comme un trouble identitaire de la réflexivité, c'est-à-dire qui affecte de manière fondamentale la capacité à se sentir soi-même, se voir, s'entendre. Mais pour Winnicott, l'expérience spéculaire est en réalité bien plus précoce que le stade du miroir que Lacan situe entre 6 et 18 mois et qui correspond au moment où l'enfant se reconnaît dans le miroir. Puisque Winnicott la fait remonter à la naissance, et précisément au rôle de miroir du visage de la mère qui regarde son bébé. Dans le miroir que son visage renvoie à son enfant, il n'y a pas qu'une pure réflexion dénuée d'intériorité, mais il y a sa psyché, ses fantasmes, son histoire et ses fantômes, qui viennent enrichir en retour cet échange réflexif. Les traumatismes de la réflexivité se retrouvent par contre dans le cas du bébé dont la mère ne reflèterait que son propre état d'âme, ou pire encore, la rigidité de ses propres défenses, dit Winnicott. Il est intéressant de noter que Winnicott élargit cette fonction réflexive primordiale à l'ensemble des membres de sa famille. Je voudrais faire maintenant, pour terminer, un retour sur la différenciation intrapsychique et le domptage des pulsions comme travail de culture. Dans le premier dualisme pulsionnel, Freud distingue les pulsions sexuelles et les pulsions du moi ou d'autoconservation, qui regroupe les grandes fonctions indispensables à la conservation de l'individu. Le prototype en est l'alimentation et la faim. La pulsion sexuelle se détache des fonctions d'autoconservation sur laquelle elle s'étayait d'abord, pour devenir ensuite autonome. Si on peut dire que la pulsion est différente de l'instinct, plus proche de l'autoconservation de l'espèce, on peut réellement se demander ce qu'il en est de l'instinct de survie de l'homme, tant il est dénaturé par lui. À l'image de sa capacité, unique parmi toutes les espèces, à s'autodétruire et à détruire son environnement. C'est alors plutôt le malaise dans la nature qui menace la culture d'effondrement. Quelle survie en effet devant une telle inaptitude de l'homme à l'autoconservation? Mais je reviens au bébé. Le premier rempart contre ce flot pulsionnel et les risques de débordement n'est pas présent de façon innée chez lui. C'est la mère qui doit assurer cette fonction de parexcitation à double feuillet pour l'enfant, comme je l'ai évoqué auparavant. Ce n'est que progressivement que l'enfant intériorisera cette fonction de parexcitation. Bien plus tard, le travail psychique de la latence œuvrera à dresser les digues psychiques nécessaires pour contenir le flot pulsionnel, celui qui débordera de nouveau à la puberté. C'est le travail de culture que Freud compare à l'assèchement du jus d'Herzy. Au cours des siècles, l'enfant a longtemps été considéré comme un primitif, immature, peu évolué et sans langage, qu'il fallait contrôler par l'éducation. Effectivement, comme nous l'avons vu, le petit de l'homme vient au monde inachevé et doit sa survie et son développement à la présence des adultes, notamment de la mère. Or, ce n'est pas tant l'enfant, l'infantile, qui est le primitif, le sauvage. L'infantile n'est pas primitif ou incomplet, tant l'infantile dans l'adulte est actuel et force de vie. Ce qu'il y a de primitif dans l'infantile, donc non réduit à l'enfant, l'infantile n'est pas l'enfant, c'est le sexuel infantile, en tant que pulsionnel, quasi synonyme de sauvagerie. Le sexuel infantile n'est pas non plus la sexualité. Il s'agit des pulsions libidinales, qui sont les pulsions de vie, dans le deuxième dualisme pulsionnel décrit par Freud, Eros, qui s'oppose à Thanatos, les pulsions de mort. L'humanisation est donc un processus qui devrait assurer une suffisante intrication entre les pulsions de vie et les pulsions de mort, afin que celles-ci ne dominent pas le vivant. La sauvagerie de la guerre, des génocides, ce crime contre l'humanité qu'a été la Shoah, montre cet échec et le grand malaise dans la culture, la défaite de l'humain dans la barbarie, la victoire du mal. La civilisation s'est construite grâce au refoulement des pulsions sexuelles et meurtrières. Dans des situations de régression culturelle, on admet que le refoulement civilisateur ayant échoué, le pulsionnel tend à régner sans contrôle, l'homme est revenu à l'état animal. À son échelle, l'enfant mène aussi un combat, un conflit intrapsychique, pris entre la prévalence du principe de plaisir sur le principe de réalité, celui qui fera de lui un petit civilisé, et la lutte contre les pulsions de mort. Dans les troubles précoces graves, les psychoses et les autismes, par la déliaison qu'elle opère, mais aussi la désubjectivation et la délibidinalisation, la pulsion de mort fait des ravages. Le nourrisson est en proie à une violence pulsionnelle qui le déborde et peut s'avérer dévastatrice. Or, le destin d'une pulsion laissée à elle-même est de tout emporter sur son passage, du fait même de sa violence et de son côté inassouvissable. Sans communication humanisante, les pulsions infantiles sont de véritables tsunamis qui détruisent tout ce qui se présente sur leur trajectoire. Le vécu qui en résulte est celui d'expériences de terreur agonique extrêmement destructrices, des angoisses archaïques à type d'angoisse d'anéantissement. le retrait autistique hors du monde, hors des objets, hors de la relation, mais aussi hors de soi, relève d'une défense vitale pour éviter à tout prix le retour de telles expériences de terreur, qui sont le résultat de l'échec de cette communication humanisante, laissant l'enfant dévasté par son propre flot pulsionnel, non reçu, non contenu, non transformé. Mais le prix est cher payé, puisque c'est toute la dynamique libidinale du désir qui est mise en suspens, pourtant force de vie. C'est cette communication humanisante qui est dévolue à l'environnement premier, qui consiste à contenir et transformer, et que j'évoquais avec la fonction alpha maternelle. Deux autres modes de traitement de la pulsion viendront plus tard dans la construction psychique de l'enfant. Freud les qualifie de destin de la pulsion. Il s'agit du refoulement et de la sublimation. Le refoulement, d'émotions pulsionnelles censurées par le moi, est donc la condition du développement de la culture. On peut dire qu'il est constitutif, de la civilisation, et on parle de refoulement civilisateur. La mise en place d'un refoulement bien tempéré, ni trop ni trop peu, est au cœur du travail psychique de la latence, cette période cruciale qui fait de l'enfant un écolier et un petit citoyen responsable qui couvre à peu près toute l'école primaire. Selon Freud, c'est à cette période que, je le cite, « se constituent les forces qui, plus tard, feront obstacle aux pulsions sexuelles et telles des digues limiteront et resserreront leur cours ». Le travail du moi va être de trouver des compromis entre satisfaction pulsionnelle et renoncement moraux. Compromis dont témoigne la formation de symptômes, lorsque les compromis sont justement difficiles à trouver, voire les solutions névrotiques ou psychotiques. Le développement des sublimations est aussi particulièrement présent à la période de la latence. Il s'agit d'un des quatre destins de la pulsion selon Freud, qui consiste en la dérivation des pulsions de leur but sexuel vers des objets socialement valorisés. L'activité artistique ou l'investigation intellectuelle en rend compte en tant qu'activité humaine sans rapport apparent avec la sexualité, mais qui tire leur énergie de la pulsion sexuelle. Selon Freud, le travail de culture dans la cure analytique consiste à permettre aux patients d'introduire du moi dans le ça, plutôt un travail du moi dans l'expression du ça, ce qui ne veut donc pas dire brimer totalement le ça, le bâillonner pour le faire taire, mais plutôt contribuer à le transformer tout en utilisant son énergie, formidable réservoir énergétique pulsionnel, lui donner forme via le moi en des produits acceptables pour la civilisation et au service de celle-ci, sans pour autant négliger la prime de plaisir personnel. La satisfaction de pulsions épistémophiliques au service de la recherche et de la société, et qui apporte dans le même temps une bonne dose de satisfaction et un gain de plaisir personnel, c'est précisément ce à quoi s'attelle, par exemple, un séminaire interlaboratoire rassemblant des chercheurs de tous horizons. Je vous remercie. Extrêmement dense. Je laisse la parole au public si vous avez des questions. Allez-y. Non, allez-y. Est-ce que... ouais. Merci beaucoup et encore une fois à tout le monde. Mille excuses pour mon mental de retard, dû à mon moins mental de bouton. Alors, j'ai été absolument passionné par ce que vous avez dit, étant qu'il y a pas mal d'éléments anthropologiques, comparatifs et d'éléments qui font référence au Mexique sur lequel on a travaillé. Et il y a des choses qui viennent à la mémoire quand vous dites la situation de la naissance et de la mort. Également, il y a un trait au-dessus du Mexique, mais chez les Inuits, la coutume qui consiste à donner le nom du dernier mort au nouveau-né. Pas chez Salamène Armure ou par ailleurs, chez les automites de Santa Ana Huitlalpa, où j'ai travaillé, les oratoires dédiés aux ancêtres font l'objet d'offrandes régulières, et pour surtout qu'ils ne reviennent pas, parce qu'on a une peur bleue. Et la fête des morts, une fête majeure là-bas, et qui correspondait à l'époque où j'ai enquêté, c'est-à-dire en 2003, je crois que ça a changé maintenant, mais au retour des migrants hommes qui revenaient des États-Unis et immigraient de façon clandestine, et ouvraient la saison des mariages de manière systématique, je trouvais ça les archives, jusqu'au carnaval, le lendemain du carnaval, c'était le départ des migrants. Donc il y a une association hein, du cycle mort-carnaval avec les mariages et donc la reproduction sociale. Alors la question que je me pose, et que je vous pose d'ailleurs, bien sûr, c'est, sinon ce serait un petit peu psychotique mon affaire, c'est la dimension universaliste de certaines des propositions que vous avez faites sur ce niveau-là. Hein. Alors, le problème, par exemple, de l'affiliation par le rat, le Sioux, donc on capture des enfants qui deviennent des enfants adoptés et qui sont reconnus dans la même un statut que des enfants biologiques, et qui étaient d'ailleurs à l'époque, jusqu'à ce que les Sioux soient réduits avec la réserve, et bien, qu'ils étaient encore souverains, et bien, avaient été assez. Valoriser une forme de filiation et le mariage par acte également, hein, le mariage à captive, y compris avec des femmes blanches, était totalement valorisé. La question du sacrifice humain au Mexique, également au Mexique préhispanique, où le guerrier qui avait capturé un prisonnier vivant, s'il avait capturé vivant, l'adoptait, lui donnait des filles pour reproduire. Et au bout d'un certain terme, il était sacrifié aux divinités, et sa descendance donc était normalement intégrée dans la structure familiale, et parfois même, il y a eu des empereurs aztèques, enfants d'esclaves, enfin donc des captives, etc. Donc là, il y a une association de la mort et de la reproduction, mais qui ne passe pas toujours par l'enfantement maternel, ou bien par un enfantement maternel, par altération du patrilignage. Mais contrairement à chez nous, où on parle de bâtards, hein, etc., d'enfants naturels, etc., eh bien là, ce n'est pas forcément dévalorisé, même au contraire. Autre problème que je me pose plus aigu, auquel vous avez fait référence, c'est la Shoah. Je me demandais si la Shoah et le nazisme en général, plutôt qu'une régression à l'animalité, hein, comme vous semblez le définir, à l'animalité sauvage, ne serait pas. Plutôt une perversion par hypertrophie de la rationalité scientifique. Et d'ailleurs, on voit bien que, à la fois, les modalités du génocide étaient extrêmement organisées, pensées de manière scientifique, etc. Le nombre de scientifiques qui ont collaboré avec les nazis, évidemment, et de grands scientifiques, est impressionnant. L'existence à côté du génocide de formes d'élevage humain. D'individus de race aryenne, ou prétendu tel, soit en l'occurrence une animalité humaine, mais hyper domestique. Du coup, c'est un plaquage du concept de l'élevage domestique modernisé par l'idée de rentabilité du système domesticatoire moderne, par sélection des races, plaqué sur l'humanité. Donc, vous voyez, Merci beaucoup, c'est passionnant. Je venais aussi un peu pour ça, pour ce genre de retour. Je vais répondre très brièvement. Je suis très preneuse de vos retours, de vos remarques. Je vais y répondre de façon inverse, finalement, pour rebondir tout de suite sur cette question de la Shoah, où effectivement, je pense que c'est rapide ma façon de ramener ça à une défaite de la culture, puisqu'on peut justement dire que la Shoah est un fait de culture éminemment culturel, éminemment humain, summum peut-être de la perversion de la culture, mais comment ne pas évoquer le raffinement quasiment avec lequel a été menée cette extermination, le raffinement avec l'ingéniosité, je ne sais pas, avec lequel les restes humains ont été réutilisés en objet de la vie quotidienne pour disparaître, c'est-à-dire dans l'entreprise d'effacement des traces, en fait. Il se trouve qu'on a fait une journée scientifique, je fais partie du groupe de recherche de psychopathologie clinique à Paris, dans l'esprit de ce que Pierre Felida avait instauré à l'époque, on a organisé une journée qui s'appelle « Survivre », qui inclut des anthropologues, comme je le disais tout à l'heure, et des psychanalystes, et qui a donné un petit bleu dans la petite collection de psychanalyse, on appelle ça les petits bleus, c'est un ouvrage, où notamment des anthropologues reviennent sur cette question de la Shoah, pas du tout comme sauvagerie ou barbarie, mais comme éminemment fait de culture qui font la culture. Donc je vous rejoins sur cette question finalement. Parce que ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites de la filiation par le rapt des Sioux, parce que ça me fait penser, enfin, je ne voudrais pas avoir l'air de dire qu'il peut y avoir de filiation que par une espèce de biologie, en fait. Hein, forcément, je travaille beaucoup aussi autour des couples mère-bébé, en maternité, en périnatalité, mais cette question est tout autant présente lorsque les parents n'ont pas porté l'enfant, dans les cas d'adoption. Et puis, j'ai travaillé de nombreuses années en pédopsychiatrie dans un accueil familial thérapeutique où des jeunes enfants sont placés en famille d'accueil à 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Et ce, pour un certain nombre d'années, jusqu'à leur majorité souvent, où cette question à ce moment-là de l'affiliation est très présente et ne dépend pas du tout finalement du fait d'avoir porté l'enfant. Et en plus, ces questions m'intéressent parce que je m'intéresse aux relations hyper précoces, lien premier, et dans les cas de placement familial, eh bien... tous les premiers mois de l'enfant, toute la première année qui sont tellement importants, eh bien, ne se font pas d'une manière souhaitable, heureuse. Souvent, les enfants sont placés en pouponnière en attendant d'être placés en famille d'accueil. Il n'y a pas de devis dans un milieu familial. Donc, je trouve ça très intéressant. Je ne voudrais pas donner à penser que vraiment, pour moi, il n'y aurait qu'une filiation biologique. Je pense aussi à la PMA, en fait. J'espère qu'on en reparlera cet après-midi. Bref. Et puis enfin, est-ce que vous me dites de chez les Inuits de donner le nom du dernier mort au premier né, c'est ça? Ça m'intéresse parce que il y a une chose qui est fréquente dans les cas de mort né, de mort subie du nourrisson ou de perte d'un enfant, d'un mort périnatal, c'est de donner le prénom du mort à l'enfant dit de remplacement. Et on rentre souvent dans ces pathologies de la transmission, de deuil impossible à faire, d'identification endocryptique, etc. Et il me semble que ça, c'est très différent de ce que vous évoquez là. Parce que donner le nom du dernier mort au premier enfant, c'est l'inscrire dans sa généalogie. C'est le travail du fantôme dans le sens non pathologique que j'évoquais tout à l'heure. Alors que donner le nom, nommer ainsi l'enfant dit de remplacement, c'est lui désigner la place du mort de substitution impossible, folle, en fait. Je vous remercie. D'autres questions ? Ça tombe bien, parce que moi j'en ai. Merci encore pour cette intervention. Je voudrais revenir sur un certain nombre de notions que vous avez évoquées et qui peut-être méritent d'être explicitées pour un public non spécialiste. Alors je vais vous poser ces questions-là. Vous avez très bien montré que toute psychologie, comme disait Freud, était d'emblée une psychologie sociale. Parce que quand l'enfant naît, il ne peut pas survivre sans la présence de quelqu'un pour s'occuper de lui. Ce qu'on appelle la mère, mais qui peut tout à fait... un rôle qui peut être joué par un homme, peut-être. Oui, tout à fait. Depuis qu'on a inventé le biberon, a priori. Voilà. Vous montrez que l'enfant, quand il naît, c'est un être assez indéterminé, parce qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est à l'extérieur de lui-même et ce qui est à l'intérieur de lui-même. Il ne fait pas la différence entre soi et l'autre. Et qu'il n'a pas conscience, peut-être, de sa propre image et de sa propre individualité. Et vous avez montré que c'était la mère, ou cette personne qui s'occupe de lui, qui, grâce à ses soins, allait progressivement lui donner un sentiment d'être un individu, et allait progressivement structurer son psychisme. Alors, vous avez parlé, à ce moment-là, de cette fonction contenante, parexcitante et symbolisante de la mère. Alors, est-ce que vous pourriez revenir très rapidement sur ces notions-là, par exemple ? En quoi... qu'est-ce que ça veut dire, en quelque sorte, que le fait que les parents aient une fonction symboligène ? Qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'apprendre à un enfant à symboliser, et en quoi c'est un événement extrêmement important ? Et je pense que ça permettra de faire le lien avec, en fait, la première partie de votre intervention, qui montrait à quel point Eh bien, lorsque les parents ou toute autre personne donne des soins à l'enfant, justement pour lui permettre de survivre, ils le font avec leurs actes, mais ils le font également avec des choses inconscientes. Et que parfois, ces choses inconscientes prennent le dessus et donc vont amener le soin donné à l'enfant à symboliser justement chez l'enfant un certain nombre de conflits. Comment est-ce que l'enfant prend en charge ces conflits? Comment est-ce que l'héritage passe finalement des parents à l'enfant? Comment est-ce que l'enfant peut prendre en charge cette fonction du mort, par exemple? Par quel processus? Bon, il va nous falloir un peu de temps, alors. en tout cas, vous avez très bien repris, enfin, je vous en remercie, vraiment ce que j'ai essayé d'expliquer de façon assez simple, tout de même, il me semble, de cette nécessaire construction à la fois intra-psychique, une différenciation interne, et puis dans le lien à l'autre, dans l'environnement premier. Alors peut-être, je ne sais pas... je ne vais pas faire un cours sur cette triple fonction maternelle contenante, par excitante et symbolisante, simplement peut-être insister là sur le fait que, effectivement, la mère prête ses capacités à son bébé, et de fait, ce qui est présent chez toutes les mamans, chez les papas aussi, bien sûr, c'est cette forme de traduction permanent, de fonction traductive, on parle même avec Jean Laplanche de pulsion de traduction pour le bébé, mais pas forcément tout le temps en langage en fait, pas forcément tout le temps en symbolisation secondaire qu'est le langage, mais une forme de traduction par les soins qu'elle apporte au bébé, par l'affection qu'elle apporte au bébé, les réponses aussi parfois un peu comportementales, hein, d'éloignement, de stimuli dérangeants, etc. Cette façon qu'elle a de protéger d'une certaine manière le bébé face à l'aspect potentiellement envahissant du monde environnant, va faire fonction de traduction. Le simple fait de présenter le biberon ou le sein à un bébé qui a faim est une première œuvre de symbolisation, c'est-à-dire une traduction d'une sensation, pure sensation, la sensation de faim qui mettra longtemps avant d'être identifiée comme sensation de faim, et d'abord une sensation de douleur, qui persiste d'ailleurs chez certaines personnes, hein, qui n'identifient pas la sensation de faim, qui ont juste mal au ventre. Mais enfin, en tout cas, la présentation, la concordance dans la réalité extérieure de la satisfaction de cette pulsion de faim avec la satisfaction réelle va permettre de traduire pour l'enfant ce qu'il ressent en besoin, en manque, et qui va en plus éminemment passer par le besoin affectif de l'autre. L'enfant qui est nourri n'est pas du tout nourri que de lait, il est nourri de cet apport affectif primaire. Donc juste une question, mais ça nous embrouillerait sans doute un peu plus, puisque vous me demandez de simplifier. La symbolisation, au sens où d'où on peut l'entendre, c'est vraiment symboligène, oui, sans doute, mais la symbolisation primaire et la symbolisation secondaire. C'est deux choses qu'on différencie. La symbolisation primaire, moi, je me penche particulièrement sur ces questions-là dans mon travail avec des pathologies très précoces, où il n'y a pas de langage, justement. Et la symbolisation primaire, c'est vraiment la transformation des traces sensorielles, des traces mnésiques, dit Freud, en première représentation de choses et d'images inconscientes, enfin, qui demeurent en grande partie inconscientes. Tandis que la symbolisation secondaire va être la transformation de ces éléments, représentation de choses, en représentation de mots, qui vont eux, être disponibles dans le système préconscient-conscience. Donc il y a quand même cette différenciation entre les deux symbolisations. Et puis, je ne sais plus le dernier point sur lequel vous m'ameniez. Eh ben, le lien entre ce manque parfois de symbolisation, oui, ou cette symbolisation dans les passe institutions sociales, oui, comment ça transmet un héritage, en fait? Comment ça passe, c'est un grand mystère, je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. Comment ça passe, c'est cette question de la transmission psychique inconsciente, de la transmission psychique, hein, qui n'a rien d'une transmission génétique, biologique, etc., qui demeure un mystère, mais qui est au cœur de notre clinique quotidienne, qui est de fait un constat où il y a un lien tellement fort entre la mère et ses parents, et entre le bébé et ses parents et la mère, qu'il y a des phénomènes d'identification réciproque, et ce, de façon extrêmement précoce. L'identification n'est pas une acquisition cognitive du tout. Il y a une identification qui est d'abord en grande partie inconsciente et de part et d'autre, qui fait qu'on a souvent dans la clinique affaire à ce qu'on appelle, nous, des bébés thérapeutes, c'est-à-dire des bébés qui, d'une manière ou d'une autre, prennent en charge la souffrance psychique du parent. C'est très intéressant dans les recherches que l'on mène, que je mène moi aussi, dans les couples de mères très déprimées et de bébés qui, d'une certaine manière, prennent en charge cette dépression maternelle, en étant ce qu'on appelle des bébés séducteurs, qui vont être énormément dans la réanimation, dans la séduction de maternelle, etc. Donc il n'y a pas toujours que des identifications aux morts et à une mère morte psychiquement. Je parlais de mère déprimée. Il y a aussi une forme de tentative de réponse, parce que, sans doute, c'est les pulsions de vie quand même du bébé qui l'amène à ça. Le bébé a besoin d'une mère vivante, d'un environnement qui soit suffisamment vivant. Et on est toujours assez étonné aussi et fasciné parfois de voir la capacité, le déploiement des capacités de bébé à faire en sorte de ménager son environnement, de le soigner d'une certaine manière. Donc ça renverse complètement les choses. Après, je suis pas là dans la transmission généalogique. Enfin, il y a vraiment, ça c'est pas un courant de la psychanalyse. Il y a beaucoup de travaux qui réfléchissent sur ces modalités de transmission, notamment des secrets de famille d'une génération à une autre, modalités de transmission qu'on ne peut pas justement quantifier ou observer scientifiquement. Donc vous êtes en train de dire, en quelque sorte, si je peux me permettre, que ces parents qui ont été un jour des enfants, au moment où ils s'occupent de l'enfant, vont rejouer des conflits qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes à symboliser. Et c'est l'enfant qui va les symboliser pour eux à l'aide de ces pathologies. Parce qu'il n'a pas d'autre moyen, par le langage, il ne peut pas dire à ses parents « Ah oui, tu fais mal les choses ». Donc il le fait avec la maladie. Oui, avec la maladie, ou alors tous les symptômes ne sont pas de la pathologie. Moi, je défends ce point de vue. Vivent les manifestations symptomatiques des enfants, c'est-à-dire qu'ils posent toutes sortes de problèmes, qui amènent à des consultations. C'est bien vivant, tout ça, en fait. M'inquiète beaucoup plus les enfants qui présentent aucun symptôme, qui sont bien sages dans leur coin, qui n'ennuient personne. Ceux-là sont sans doute, je ne veux pas le dire trop vite, mais sont sans doute plus dans des risques d'identification endocryptique aux morts que des enfants qui ne se laissent pas faire et qui le crient un peu haut et fort, en fait. Mais effectivement, il y a dans ce lien mère-bébé, pour se recentrer là-dessus, ce phénomène d'identification réciproque et mutuelle ramène, actualise chez la mère le bébé qu'elle a été. Et forcément aussi, j'évoquais le bébé qui naît dans un état de détresse primitive, qui est absolument incapable de traiter psychiquement ce flot pulsionnel qui est en lutte entre la vie et la mort aussi chez le bébé. Eh bien, ce qui est réveillé et réactualisé chez la mère, c'est aussi le bébé en détresse qu'elle a été. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, d'une forme de réponse un peu, où le bébé actuel, le bébé réel, peut aussi soit venir prendre en charge quelque chose du bébé en détresse du parent, qui d'une certaine manière passe à travers la façon qu'il a d'être en interaction affective avec son enfant, mais aussi peut venir lui donner parole. C'est l'exemple que je voulais donner avec cette fillette qui m'a vraiment fait penser à une Llorona, qui pleure le deuil qui n'est pas le sien. Merci encore Marie Desson, bravo. Merci infiniment. Et je vous en prie. On va peut-être passer à la suite s'il n'y a pas de questions urgentes. Oui, c'est... On y va.